Salut toi, c'est Action Élections, le podcast de Fadjet qui te propose de mieux comprendre les élections européennes. Pour cet avant-dernier épisode, on va se concentrer sur les enjeux. Pourquoi faut-il voter à ces élections du 9 juin ? Allez viens, je t'emmène comprendre l'importance des élections européennes. Si je te dis chargeur universel, fin de production des voitures thermiques, interdiction des produits en plastique à usage unique, encadrement des contenus sur les réseaux sociaux, tu vas sûrement comprendre que tous ces sujets ont un point commun. Eh bien oui, c'est le cas. Toutes ces lois ont été votées par les députés européens. Et toutes les lois de cette liste ont donc un impact sur ton quotidien, enfin sur tous les citoyens de l'UE. Et c'est donc pour cela que chaque vote compte, car chaque loi adoptée a un enjeu et concerne tout le monde. L'un des enjeux les plus importants, et en lien avec l'actualité, est surtout lié à la sécurité, car les défis s'accumulent pour les Européens, d'abord d'un point de vue sécuritaire avec la guerre de l'Ukraine à l'Est, et plus généralement avec les tensions ailleurs dans le monde qui se multiplient. Un autre enjeu majeur est celui de l'environnement, car les 5 années qui arrivent devront notamment voir l'enclenchement concret du Green Deal, tu sais, le pacte vert dont je te parlais la dernière fois et qui était voulu par Ursula von der Leyen. Plus globalement, on peut voir que 3 sujets principaux se distinguent en ce qui concerne les raisons de vote des électeurs. Dans le dernier sondage Ipsos, le pouvoir d'achat arrive en première place et représente 53% des motivations de vote pour les électeurs, suivi de l'immigration avec 33% et du système de santé avec 30%. En gros, pour résumer, 3 raisons pour que tu votes. 1. Pour faire entendre ta voix. 2. Pour lutter contre le changement climatique. Et 3. Faire continuer la démocratie en Europe. Tu peux retrouver le reste des podcasts sur fadjet.net et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.